se lève sur la planète rouge. C'est le début d'après-midi dans la plaine d'Amazonie, sur la planète Mars. Chauffé par le soleil printanier, un tourbillon de poussière se lève dans l'atmosphère glaciaire. Bientôt, il rampera à plus de 1000 mètres d'altitude et balayera la surface du désert plusieurs heures durant, soulevant des dizaines de tonnes de poussière avant de la redéposer à l'air. Sur cette image prise par la sonde américaine Mars Reconnaissance Orbiter MRO, le tourbillon haut de 800 mètres se développe sur une trentaine de mètres de largeur. L'ombre du tourbillon chargé de poussière se projette sur le sol. Les météorologues connaissent bien ce phénomène qui se développe dans tout le désert terrestre, depuis l'Arizona jusqu'à l'Atacama, sur l'air chauffé par le soleil, juste au-dessus de la surface, qui s'élève en tourbillon, arrachant du sol les sables les plus fins. Sur Mars, les tourbillons sont beaucoup plus spectaculaires que sur Terre, capables de ramper jusqu'à 800 mètres d'altitude. Ils sont probablement à l'origine de l'énorme quantité de poussière que contient l'atmosphère, jusqu'à rendre rouge le ciel martien.